On ne veut pas de corps fatigué, non man. Vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Hein. Montre-leur que tu pètes la santé. Vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Hein. Montre-leur que tu pètes la santé. Parce que dans les parties et puis dans les soirées, y'a une chose que j'aime pas, c'est les gens fatigués. Certaines personnes viennent dans les stands soi-disant pour danser. Mais ils jump up, disent qu'on est, ils ont les jambes coupées. Sur le one foot, qu'ils se sont déjà tués du délamour. Ils ne se sont toujours pas relevés. Mais on est bon, on ne veut pas des gens fatigués. On aime et on veut, des gens. Bonne santé, vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Hein. Montre-leur que tu pètes la santé, vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Hein. Montre-leur que tu pètes la santé, parce que dans les parties et puis hein, dans les soirées, s'il y a une chose que je comprends pas, oui, c'est les filles complexées. Tu les invites, elles ne veulent pas de toi pour danser. Si elles acceptent, elles disent que c'est trop collé. Si elles se collent, au bout de 30 secondes, elles s'est sauvées. Je lui dis, les complexes, maintenant faut les laisser. Si je t'invite, tu peux accepter ou refuser, mais si t'acceptes, en tout cas, avec moi pour wine. Elles sont vexes, elles doivent avoir un complexe. Elles sont vexes, elles disent que ça fait trop sexe. Elles sont vexes, elles doivent avoir un complexe. Elles sont vexes, elles disent que cette danse est trop sexe. Mais bouge en mue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé. Vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé. Parce que la lambada c'était à la télé. Même la soca danse a très bien marché. Aux Antilles le samedi, ils aiment bien aller zouker. Que ça soit la biguine ou même le collet serré. Le ventilateur en Afrique, c'est la danse des sapés. Mais y'a une danse en couple à deux aussi dans le reggae. C'est beaucoup plus sexy et bien moins grossier. Oui, cette danse s'appelle le wine and wine et oui, c'est le wine, wine, oui, c'est le wine et wine. Montre-leur que tu pètes la santé, vas-y, wine, wine, oui, c'est le wine et wine. Bouge et remue de tous les côtés, vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé, vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé. Pour venir dans les sondes, faut bien se préparer. Manger un bon plat et prendre le temps de bien digérer. Faire une sieste dans l'après-midi pour être bien reposé. Comme un bon bad boy, tu penses à bien te saper. Tu prends de la caillasse, de la weed et du papier. Alors seulement à ce moment-là, tu peux y aller. Quand tu arrives à la porte, il faut décompresser. Écoute la musique, fume un steak, bois un petit coup et puis bouge en mue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé, vas-y. Bouge en mue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé. Car les jeunes filles viennent embellir la danse et la soirée. Quand le son est rempli de girls, la danse est pleine de beauté. C'est une réalité, y'a pas une vulgarité, gars. Toutes les femmes, oui, ont bien respecté. À l'audience féminine, celle-là est dédicacée. Un love entre les hommes et les femmes va s'installer. Monsieur Rams, Captain Ricky viennent vous faire danser. Alors tous les masses et tous les quartiers, maintenant écoutez. Yo, bouge en mue de tous les côtés. Hein. Montre-leur que tu pètes la santé, vas-y. Bouge en mue de tous les côtés. Hein. Montre-leur que tu pètes la santé. Quand je vois Sabrina qui bouge en mue de tous les côtés. Je me dis quelle bonne soirée. Et quand je vois Sandra qui wani wani de tous les côtés. Je me dis c'est la teufée. Quand je vois Isabelle qui bouge en mue de tous les côtés. Je te dis que ça va chauffer. Je veux voir les belles filles en train de wani wani wani wani de tous les côtés. Une d'elles, je vais. Vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé. Vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé. Vas-y, bouge en mue de tous les côtés. Montre-leur que tu pètes la santé. Vas-y.